privé d'eau afin qu'on ne fleurisse pas, privé de nos ailes afin qu'on ne s'envole pas. Sommes-nous la race la plus haïe? On nous prive d'eau afin qu'on ne meure et ne fleurisse pas. On nous prive de nos ailes afin qu'on ne s'envole pas. L'histoire est modifiée, Renoir demande à chaque quand ta job. Ça leur ferait trop mal d'admettre qu'on était roi. Qu'on analyse les cheveux de Ramsès et qu'on remette le zen du sphinx. Et qu'ils arrêtent de nous bluffer qu'on était rien, frère. Déplie les genoux, lève ta tête et sèche tes yeux. Nous sommes grands et pas si petits que ce monde veut bien nous faire croire. Est-ce du racisme de constater l'hypocrisie? De constater qu'on est vu comme inférieur? De constater que mon épiderme est un handicap? De constater que ma souche est bien la plus haïe, n'est-ce pas? Que l'Afrique meurt parce qu'elle est pas compétitive. Renoir, faut le devenir pour manger, faut le devenir pour soigner, faut le devenir pour vivre, faut le devenir pour cesser d'être épuré. Oui, oui, si, si. Privé d'eau afin qu'on fleurisse pas, privé de nos ailes afin qu'on ne s'envole pas. Sommes-nous la race la plus haïe? Privé d'eau afin qu'on fleurisse pas, privé de nos ailes afin qu'on ne s'envole pas. Sommes-nous la race la plus haïe? Pourquoi j'ai l'impression de me battre plus que les autres? Que ça soit pour trouver du taf ou un tome à part. Pourquoi j'ai l'impression qu'être noir c'est d'être cantiné à un certain niveau? Ils veulent pas voir mon humanité mais qu'une couleur de peau si possible en tôle. Et en plus on me dit faut que je cuine la Marseillaise, la main sur le cœur et que je me considère comme à cause de la patrie. Ok Marianne, garde la pêche, pour moi c'est peut-être ça. Je t'emmerde, t'entends, ma colère est justifiable. Liberté, égalité, mes couilles. C'est fâche ça aussi, quand je vois où crèche les miens, c'est abusé, insalubre. Faut-il qu'on meure intoxiqué ou brûlé pour faire la une de leurs journaux, qu'ils aillent tous faire enculer. Ça y est, là je m'énerve, je pars en freestyle. C'est pour le patrimoine du ghetto, je vois la vraie Mac Taillère. Explosif, musique, le son qui vient d'ailleurs. Kamikaze, la rose qu'a poussé dans le béton. Privé d'eau afin qu'on fleurisse pas, privé de nos ailes afin qu'on ne s'envole pas. Sommes-nous la race la plus haïe? Privé d'eau afin qu'on fleurisse pas, privé de nos ailes afin qu'on ne s'envole pas. Sommes-nous la race la plus haïe?